Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Pour marquer le coup, à l'occasion de la sortie de mon livre 2030 glorieuses Utopie vivante, j'ai décidé d'organiser des lives sur Instagram dans lesquels je donne la parole à des personnes qui, comme moi, ont décidé d'agir pour la construction d'un monde meilleur, mais aussi de raconter ce changement. Parce qu'ils sont, comme moi encore, persuadés de l'importance des nouveaux imaginaires, des récits. On en parle ensemble dans des lives Instagram de près d'une heure, et je trouve ces échanges tellement passionnants que j'ai décidé de les rapatrier sur le podcast 2030 Glorieuses. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Ferdinand, le voilà, quel sens de ta vie extraordinaire. Coucou. Coucou Ferdi, je suis très content de t'avoir. On avait fait un live il y a quelques mois pour la sortie de ton bouquin « Réinventer le masculin ». Il est sorti aux éditions Robert Laffont. Tu l'as porté pendant longtemps. Et moi, je me rappelle de cette conversation qu'on avait eue début d'année dernière où tu me disais bah, « voilà, je porte tous ces récits. J'ai dans mon ordinateur un dossier avec 100 livres commencés, j'en rajoute à peine, je crois. Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Et on en avait parlé. Et c'est assez fou hein, ce qui s'est passé pour toi cette dernière année quand même. Ouais. Bah, y a beaucoup de choses. Le grand événement, c'était... Mais ça, tu sais mieux parler que moi parce que tu l'as vécu. C'est l'arrivée d'un petit être sur Terre qui chamboule quand même pas mal la vie. Hein. Ça, c'est le vrai chamboulement, il est là. Et après, on a nos petits bébés à côté, les livres qui sont pas mal, mais ouais, moi, c'est, si je devais résumer l'année dernière, c'est que donc, moi, j'étais responsable France d'Ecosia, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc du moteur de recherche qui plante des arbres, et donc j'ai arrêté, j'ai démissionné. Donc je pourrais en dire deux mots pourquoi, mais c'est lié avec l'engagement que j'ai aujourd'hui et la cohérence que j'ai envie de retrouver dans quelque chose qui pour moi était un peu trop hors sol, trop devant l'ordi et pas assez sur le terrain. Et le livre, en fait, ouais, le livre, je crois que ça fait... Moi, l'écriture, en fait, ça m'aide toujours à comprendre et à mettre du sens et aussi à prendre du recul sur des expériences fortes que j'ai pu vivre. Donc, j'avais écrit déjà beaucoup de choses sur... quand j'étais rugbyman, quand je travaillais des grands groupes industriels, je voyais ce qui se passait et j'essayais d'écrire ce que je voyais, notamment en essayant de comprendre de, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Et là, c'est vrai que j'ai pas mal de livres commencés, mais aussi avec cette envie de ne pas écrire un livre pour écrire un livre. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que... Les idées qu'on peut avoir, elles ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que si moi, j'en fais rien, il y a un autre qui va en faire quelque chose. Tu vois. Et c'est pour ça que il y a certains livres, ou le livre que j'ai fait là, je sentais vraiment que c'était pour moi, mais il y a d'autres livres, d'autres idées, où je sentais que d'autres personnes allaient mieux le porter, et que d'ailleurs, souvent, quelques temps après que j'ai eu une idée de quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui publie un livre là-dessus, et je dis, génial, j'ai plus à le faire. Mais Ferdi, toi, t'es quand même un peu le modèle, le symbole de la personne qui est dans l'action, tu le disais, t'es passé d'une vie de rugbyman à celle... ensuite, coach en entreprise, de permaculteur, tu étais quand même voilà, au contact des gens, tu avançais à Ecosia avec cette dynamique incroyable voilà, de la plantation à travers le moteur de recherche. Comment tu t'es rendu compte, presque dès le début, j'ai l'impression, qu'au-delà de l'action, il y avait quelque chose à raconter en parallèle de cette action et même idéalement à transmettre. Pourquoi c'était évident pour toi? Est-ce que c'était intuitif, inné, ou est-ce qu'au contraire tu l'avais compris très tôt? Non, je ne l'ai pas compris très tôt. Et d'ailleurs, j'étais pas souvent dans le fait de raconter des trucs, en fait, hein. C'était justement, je jouais sur le terrain, j'étais dans l'action, c'est vrai. Et en fait, j'ai juste pris conscience qu'il y avait un truc dans l'histoire qu'on nous racontait qui clochait quand j'ai arrêté d'être coach pour des grands groupes industriels. C'est-à-dire, moi, j'étais dans un mal-être terrible. Je voyais un mal-être terrible chez les gens en face de moi. Et tout le monde racontait la même histoire, mais il y a quelque chose qui ne collait pas du tout. Et en fait, ça, maintenant, je peux te le dire, mais sur le moment, c'était juste un mal-être physique, en fait. C'est pas, ah, il faut que je me raconte une autre histoire. Ça c'est après que c'est venu. Mais c'est là que j'ai dit stop, là. Il faut que je dise stop à ça, à cette histoire-là. Et j'ai aucune idée de l'histoire qui va remplacer celle-là, en fait. C'est ça qui est flippant. C'est qu'au départ, tu sens juste qu'il faut arrêter et tu ne sais pas dans quelle direction ça va aller. Mais par contre, ça ouvre une porte de dire, OK, il y a peut-être des gens dans le monde qui ont vécu des choses similaires et qui ont déjà réfléchi là-dessus. Et en effet, il y en a plein. Et qui sont déjà en train de raconter une autre histoire, toi. Et moi, le switch, mais ça, je le dis pas mal dans le livre, c'est la rencontre de personnes qui sont très impliquées dans la permaculture. Et pour moi, la permaculture est clairement une approche, une philosophie qui a décidé de raconter une autre histoire. Voilà. Que je résumerai au lieu d'exploiter un écosystème, l'humain, le vivant, on en prend soin. Voilà. C'est aussi bête que ça. Mais à mon niveau, ce que ça a changé, c'est moi se parler de performance, c'est-à-dire arrêter d'être dans ce toujours plus loin pour construire autre chose. Ouais, c'est intéressant, c'est la première fois que je t'entends le dire comme ça. L'idée de refus, c'est vrai que toi, tu as cette belle introspection, cette capacité à analyser, à t'écouter, à savoir quand tu es dans une situation de mal-être qui n'est plus tenable pour toi, où tu sens que tu peux plus agir dessus, il va falloir que tu changes de voie. Et le côté de, en fait, la permaculture, elle propose vraiment une autre histoire dans le sens où ben, il y a une compréhension différente de la nature, il y a une revalorisation de sa place et de notre place aussi, qui a besoin de plus d'humilité, de plus de dépendance, d'interdépendance. Donc, tu es confronté à ce nouveau récit qui te marque. Et ensuite, fort de ça, j'ai l'impression quand même, avec Ecosia, très rapidement, tu as compris qu'il fallait être stratégique par rapport à ça, et plutôt que, je ne sais pas, utiliser des moyens, on va dire, assez classiques, de mettre des grands panneaux de communication à droite à gauche dans les villes, d'aller faire un peu de presse, tu dis, on va raconter des histoires avec des personnes qui actuellement ont les yeux et les oreilles de millions de personnes. Paf, tu pars en Tanzanie avec des youtubeurs pour les transformer, les faire vivre tout ça. Et cette histoire de transformation, de choc, qui est personnifiée à travers le récit de ces youtubeurs, elle était brillante. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de brillant. Je ne sais pas si tu l'as fait pour te faire kiffer ou si tu l'as fait vraiment avec cette intuition de la stratégie. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ça marchait bien, quoi. Ouais, y a toujours les deux. C'est que c'est important de le faire parce que ça nous fait kiffer, parce que c'est ça qui nous donne le sourire aussi. Et c'est vrai que j'aime bien faire des trucs que personne d'autre a fait. C'est aussi, alors c'est chouette et à la fois c'est compliqué parce que du coup tu marches seul et que tu te sens seul aussi par moment. Et qu'il faut pas non plus toujours chercher à réinventer la roue. Voilà, on peut très bien le faire différemment. Mais en fait, tu sais, tous ceux qui avec le travail avec les influenceurs, youtubeurs, la Tanzanie, j'ai juste appliqué ce que maintenant j'ai écrit dans le livre, mais qui est pour moi quelque chose qu'on applique dans la permaculture. C'est-à-dire, on a un jardin, on ne sait pas qu'est-ce qui va pousser, mais on va prendre soin de cette terre, on va semer quelques graines, et en fonction de qu'est-ce qui pousse, on va en prendre soin. Et on ne va pas partir de l'idée de je veux absolument faire pousser des tomates et je veux 200 kilos de tomates l'année prochaine. Et ça, ça paraît bête, mais nous, depuis notre plus jeune enfance, notamment en France, on est brainwashé pour atteindre un résultat et au mieux faire S, donc des maths. Tu ne te poses même pas la question est-ce que ça tu aimes, tu n'aimes pas, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on est vraiment dans ce fonctionnement de produire des tomates de 100 kilos et que si tu fais pas ça, t'es personne. Et en fait, en appliquant l'inverse, Moi, j'ai juste été à l'écoute de qu'est-ce qui était en train de pousser. C'était il y a 5 ans, il y avait déjà pas mal le côté YouTube, partenariat qui était en train de venir. Moi, je connaissais rien, tout ça. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était là. Du coup, j'ai eu des propositions et j'ai dit, OK, j'y vais, j'y connais rien. Et le premier vrai partenariat que j'ai fait, c'est pas le voyage en Tanzanie, c'est un peu moins connu parce que j'étais pas encore aussi bon dans la com et tout ça, mais il y a une Laetitia, Le Corps, la Maison, l'Esprit, c'est sa chaîne, et elle a organisé une tournée de France de pique-nique zéro déchet. Et c'est la première youtubeuse avec laquelle j'ai été en contact, et je lui ai dit, est-ce que ça te va si on sponsorise avec Ecosia cette tournée pique-nique zéro déchet? Mais non seulement on va la sponsoriser, mais je vais venir avec. Et en gros, j'ai fait 15 villes à travers la France à faire des pique-niques zéro déchet, à promouvoir le zéro déchet, à parler de tout ça. Et ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire, c'est cette idée que quand quelque chose pousse, tu vas pleinement dedans. C'est-à-dire, j'aurais pu dire, je te file un chèque et tu parles d'Ecosia. Non. L'idée, c'est de vivre une aventure. Et du coup, c'est devenu une amie qui, forcément, elle connaît plein de monde, qui m'ont mis en contact avec les gens après pour partir en Tanzanie. Ce que tu dis aussi, c'est que s'il y a effectivement cette nécessité de porter des imaginaires nouveaux en l'occurrence, ou des imaginaires qui nous touchent, c'est aussi important d'arriver à sentir qu'on a de la légitimité à les porter ces imaginaires. Peut-être je fais le lien avec les élections présidentielles actuelles, dont je disais en introduction de la vidéo que je suis désespéré de ce qui n'est pas dit, c'est-à-dire des choses profondes, des choses sérieuses, mais peut-être qu'en fait ben, on a des personnes qui ont appris à raconter des choses qu'ils ne vivent jamais vraiment personnellement, et que ben, voilà, en fait, cette nécessité de bonheur, cette nécessité de reprendre la place parmi la nature, de recréer cette interdépendance avec les autres êtres humains, ils en sont tellement déconnectés qu'ils sont complètement incapables de même l'imaginer avant de le raconter. Donc, bon, ben voilà, ils sont passeurs d'histoires dont ils ont hérité dans les écoles, dans les partis politiques. Toi, au contraire, t'as dit, moi, je veux raconter des choses que je vis. Parce que c'est important d'avoir de la légitimité aussi, parce que tu avais compris que incarner des choses, c'était aussi important. Les personnifier, mettre un visage, mettre un sourire, mettre une énergie, c'était important. Lequel des deux est vrai là-dedans? Oh, les deux sont vrais parce qu'ils existent, malheureusement. Je suis pas sûr s'il y en a un qui est plus vrai que l'autre. C'est vrai que j'ai remarqué, mais ça c'est mon expérience perso, c'est que la confiance se crée quand tu parles de ce que tu as vécu. Parce que tu l'as incarné dans ton corps, tu as vécu les émotions, c'était pas juste. Après, voilà, il y a des acteurs et les hommes politiques sont quand même faits pour ça, de faire semblant et de raconter des trucs. Voilà. Sauf qu'on l'a poussé tellement loin qu'on le voit très bien maintenant. Quand tu as des discours qui ne sont pas du tout incarnés, qui sont prévus à chaque mot près de ce qu'ils doivent dire, c'est très très dur de leur faire confiance. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe et on entend en parler tout le temps, c'est qu'il y a une crise de confiance avec les politiques. Tu vois. La difficulté, c'est que si tu. Moi, je l'ai vu par exemple avec les youtubeurs, c'est le même phénomène, c'est que dès que tu as de la visibilité, dès que tu as beaucoup de gens qui te regardent, chaque mot va être utilisé à tort et à travers. Et si tu dis ouvertement quelque chose, quoi que tu dises, tu vas avoir des gens qui vont dire je t'aime et tu vas en avoir plein qui disent on te déteste, on va te détruire. Et au-delà de ça, et ça c'est voilà, plus ma casquette de psychologue qui parle, mais. Que nous, on projette tous notre état émotionnel et ce qu'on croit être sur le monde extérieur. Dans deux mêmes situations, il y a une personne qui va dire oh, c'était génial et l'autre va dire non, c'était horrible. C'est parce qu'on projette aussi quelque chose qui nous définit. Du coup, dès que tu es quelqu'un de visible, les gens projettent sur ces personnes leur histoire, l'histoire qu'ils se racontent. Et du coup, c'est tout ça pour dire que c'est pas si évident que ça, en fait. De porter une nouvelle image et une nouvelle histoire. C'est pas si facile que ça parce qu'il y a un vrai piège qui est de perdre son authenticité plus tu gagnes en visibilité. Parce que c'est tellement violent quand pour l'avoir vécu avec des youtubeurs très connus, quand tu fais du bien, quand tu crois faire du bien et tu as des gens qui te disent non, on va t'attendre en dehors de toi, et je vais pas mettre les mots, mais ça part très très loin pour avoir vu les messages, tu vois. Donc, je crois que c'est important que chacun porte son histoire comme ça, mais je comprends aussi qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de le porter à grande échelle parce que ça. Ouais, tu t'exposes, quoi. Toi qui as écrit le livre sur la nécessité de réinventer le masculin, comment on fait justement pour rompre avec cette tendance de dire, bah voilà, je raconte une histoire, mais qui quand même joue un peu ce jeu de l'héroïsation avec un héros, une héroïne qu'on va aimer, qu'on va suivre, dans laquelle on va se projeter, avec tout ce piège, voilà, d'avoir des gens qui seront profondément pour ou contre ce que tu vas dire. Comment on peut raconter des histoires auxquelles les gens pourraient décider d'adhérer sans forcément se renier, en disant qu'elles vont pouvoir avoir suffisamment de place dans ces nouveaux imaginaires pour raconter quelque chose aussi, pour apporter leurs pattes. Est-ce que il y a cette notion de nouveau masculin là-dedans? Ça te parle tout ça? Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans ce que tu viens de dire qui, je pense, c'est important. La notion de héros, je crois qu'elle est. Encore une fois, il y a un piège à éviter. C'est-à-dire, tu ne peux pas éviter qu'il y ait des héros qui émergent. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme un leader. Ce n'est pas forcément le leader qui le décide, mais les autres qui vont te mettre sur un piédestal et vont dire tu es un héros. Alors que toi, peut-être, tu te dis mais non, j'ai rien fait, mais qu'est-ce que vous racontez? Par contre, la question, c'est est-ce que tu refuses ce rôle ou est-ce que tu l'acceptes pour après en faire quelque chose qui va peut-être aider les autres à devenir autonomes et à prendre leurs responsabilités. Ouais. Aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux, on a tendance à aller vers le héros qui, lui, après, devient inaccessible et lui, il arrive à faire quelque chose que les autres arriveront jamais à faire. Tu vois? Mais par exemple, si on prend ton exemple, ouais, que ça commence par moi. Tu as été un petit peu un héros de la transition parce que tu as écrit un livre, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. Tu es allé loin dans la démarche, tu es invité à des conférences, tu es un exemple en fait. Si on veut un autre mot que héros, c'est un exemple. Après, qu'est-ce que j'ai l'impression que tu fais, c'est que tu renvoies la balle. Ça veut dire c'est que tu acceptes le rôle d'être héros, c'est-à-dire tu acceptes de donner des conférences, mais dès que tu es en conférence, tu n'es pas là au mode regarder à quel point je suis génial. Mais tu renvoies la balle en disant, bon, et vous maintenant, qu'est-ce que vous faites? Parce que je Ça, suis c'est parce là. que tu m'as jamais vu en conférence, hein. Ouais, j'espère que si jamais vous avez vu Julien en conférence et que ce n'est pas le cas, écrivez-le comme ça, j'arrête de suite, là, je change mon discours. Dénoncez-moi. Non, tu vois, ce que je veux dire, c'est à un moment donné, c'est comme le leadership, c'est important qu'on arrête. En tout cas, moi, je ne crois pas en des structures plates tout le temps. En mode tout le monde est pareil. Je crois qu'il y a des leaders qui émergent en fonction des situations, en fonction, voilà. Et c'est important qu'on ait des leaders qui disent, oui, je crois que ça c'est juste, on va dans cette direction. Parce que j'ai de l'expérience, parce que pour X raisons. C'est comme en montagne, tu vois, si tu as une équipe en montagne et tu as un gars qui s'y connaît, ben oui, il va devenir leader parce qu'il est compétent là-dedans et ce serait bête de ne pas l'écouter. Par contre, ce leader, est-ce qu'il va être dans une posture de moi j'ai raison et j'écoute plus personne? Ou est-ce qu'il va dire ok, moi j'ai une idée, j'ai une conviction que c'est ça, par contre, je vais prendre en compte votre état, voilà, et au moment où je sens que moi j'aurai plus la force, ben, je vais demander à quelqu'un d'autre de prendre le relais. Tu vois? Et du coup, tu as quelque chose de vivant, justement, qui n'est pas figé, c'est-à-dire c'est pas, y a pas une structure hiérarchique figée qui est comme ça. Mais qui s'adapte en fonction. Donc, parfois c'est pyramidal, parfois c'est plat, parfois c'est un mix des deux. Et ça, je crois que c'est important qu'on le retrouve, toi, et que chacun, de temps en temps, s'autorise, là, tous ceux qui nous écoutent, s'autorisent par moment à être leader sur une thématique. Et aussi, et ça aussi, je crois qu'on en a besoin actuellement, ben, de rien dire, et cela, quand on n'y connaît rien, voilà, on n'a pas besoin de tous, à chaque fois, raconter notre vie non plus. Parce qu'on est dans une société qui tend vers ça, c'est-à-dire chacun est expert de tout. Et du coup, on n'entend plus les vrais experts. Et c'est ce qui se passe avec le GIEC, avec le réchauffement climatique et des trucs comme ça. C'est qu'il y a tellement d'experts qui disent l'inverse alors qu'ils ne sont pas experts, que du coup, on ne sait plus qui est vraiment expert. Et du coup, même ceux qui sont experts, on les croit plus vraiment parce qu'on ne sait plus. Et, tu vois. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais. Mais du coup, c'est ça, réinventer le masculin, ça veut dire que de temps en temps, il faut savoir se taire, et de temps en temps, il faut savoir aussi s'imposer pour le bien du groupe et de temps en temps, il faut savoir demander de l'aide. Ouais, j'aime bien. Si on arrive à faire ça, c'est un très bon départ, je pense. Après, voilà, il faut lire le livre si on veut tout savoir. Mais ouais, ça commence avec aussi accepter son humanité, avec ses émotions, ses intuitions, ses forces, ses faiblesses, ses limites. Ne pas avoir peur de les explorer aussi. Et ça va à la fois dans le bon sens, ça veut dire de dire l'amour que je peux ressentir, par exemple, pour d'autres personnes, l'amour pour d'autres femmes et peut-être aussi pour d'autres hommes, et de faire la différence entre du coup, j'ai besoin de sortir avec cette personne, ou bien juste, non, je sens de l'amour pour quelqu'un d'autre, quoi. À l'inverse aussi, la violence que je peux ressentir. Qu'est-ce que je fais avec la colère et la violence que j'ai en moi face à toutes les injustices que j'observe dans le monde? Comment je la gère? Comment je fais pour que ça ne me bouffe pas? Voilà. Donc ça peut aller dans cette direction. Et après, pour moi, il y a vraiment un questionnement de fond sur les valeurs qu'on a envie de voir dans notre société. Okay. Donc moi, j'ai l'impression qu'on a construit notre société actuelle sur des valeurs qui sont plus considérées comme masculines, même si on les porte tous. Tout simplement parce que pendant longtemps, c'était les hommes au pouvoir. Donc ils ont pas, d'après moi, beaucoup d'hommes n'ont pas fait ça pour faire chier le monde, hein, pour le dire comme ça. C'est juste parce que tu crées en fonction de qui tu es. Donc si c'est les hommes qui créent, ils mettent en place des trucs qui sont plus liés au masculin. Bon, mais c'est des choses que, tu vois, si je devais prendre un stéréotype de quelque chose que moi me parle plus, c'est d'exploiter les ressources de toute la planète, quitte à plus avoir rien à manger, juste pour que 20 personnes privilégiées puissent rêver d'aller sur Mars. Bon, c'est quelque chose qui me dégoûte, tu vois. Et quand tu regardes qui c'est qui sont ces gens-là, t'as quand même, voilà, c'est des hommes blancs privilégiés. Voilà. Et cet exemple-là, moi, je sens j'ai envie de le questionner, le remettre en question. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à le combattre, mais peut-être qu'il faut le combattre, ouais. Tu vois, de se dire, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le rêve. Ce n'est pas ça le rêve. Parce que si c'est détruire tous les écosystèmes pour avoir les ressources, pour juste construire un gros truc dont on n'a pas besoin, moi, si tu fais ça dans le respect des écosystèmes, pour moi, il n'y a aucun souci. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Et c'est là le problème, en fait. C'est qu'il y a, on s'accapare les richesses naturelles, notamment, sans forcément rendre. Et ça, ce sont quand même des valeurs d'exploitation, de s'accaparer la richesse que moi, voilà, c'est peut-être très bateau, hein, comme truc, mais Non, bien sûr. c'est important de le remettre en question. Et aujourd'hui, quand on regarde dans le monde, c'est quand même beaucoup les hommes avec une certaine valeur qui, d'après moi, sont plus masculines qui le portent. Ouais. La première étape dans le livre que je viens d'écrire, c'est de mettre en avant d'autres croissances. Parce que effectivement, je pense que cette masculinité qui dirige le monde et marque le succès dans notre société, elle peut pas être, c'est pas un bouton on/off. Elle peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Il va y avoir besoin de la rediriger. Et je pense qu'on peut premièrement la rediriger vers d'autres croissances qu'on va pouvoir accumuler, viser, développer avec un impact, à mesurer, etc., etc. Et donc on pourra bientôt se targuer d'avoir des entreprises qui, elles, ont une croissance du lien je sais pas, intergénérationnel, de la solidarité, de la régénération des écosystèmes dont on a besoin. C'est la première étape. La deuxième étape, ça sera d'arriver à remettre, à mon sens, de l'humilité dans notre humanité. Comment on fait ça? Comment on rend sexy ce message de se dire, ben en fait, on n'est pas si important que ça et c'est pas grave. Et c'est même tant mieux. C'est une question, tu as la réponse. Non, j'ai pas la réponse, c'est ma question actuelle, c'est ce qui m'occupe là et ça sera sans doute Comment vous feriez, ceux qui nous écoutent là, si vous avez des idées, je suis preneur. Parce Non, que mais c'est vrai, ça sera sans doute c'est vrai là ce qui que. occupera mes prochains livres, tu vois, cette nécessité de rendre désirable l'humilité, de voir l'humilité comme une libération parce qu'on se remet à notre juste place. Toi qui parlais de permaculture, est-ce qu'il y a des choses là-dessus par rapport à l'humilité? Est-ce que le fait d'écrire ce livre, avec tout ce que ça veut dire, hein, d'écrire un livre, hein, de se retrouver dans un temps un peu fou, derrière, et ça je l'ai vu et je l'ai vécu difficilement à travers toi, de voir ton livre tantôt dans le côté développement personnel, tantôt dans le côté, tu vois, et de même avec ce que tu venais de livrer. Rendre compte que bah, t'es pas tout le temps dans une case, que tu as du mal à appartenir, que les gens ont du mal à saisir aussi ton message. Comment on fait pour la rendre désirable, cette humilité? Qu'est-ce que tu peux nous apporter par rapport à ça, toi? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à ça. Je pense que c'est en train de venir. C'est-à-dire qu'il y a des exemples qui deviennent de plus en plus désirables. Je vais reprendre une métaphore qui, moi, me parle souvent. Et c'est qu'aujourd'hui, tu as deux exemples. Soit tu as un jardin où il y a un arbre qui pousse. Et en fait, le jardinier, il veut faire pousser cet arbre le plus haut possible, le plus grand possible. Sauf que, déjà, il a utilisé toutes les ressources du jardin pour faire grandir cet arbre, pour mettre du mulch autour. Il a rasé tout pour que juste cet arbre puisse avoir sa place. Mais d'ailleurs, le jardin, il a tout utilisé. Donc maintenant, il commence à grignoter sur les jardins à côté, voire il importe des trucs de loin. Il va chercher l'eau chez ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et il va piquer les ressources de partout juste pour que cet arbre soit le plus beau, le magnifique, le plus grand. Ouais. Ça, c'est une histoire. Ouais. Sauf que quand tu es près de cet arbre, à part qu'il soit grand, qu'on le voie et tout ça, et une fois que tu l'as admiré, en fait, il y a un sentiment qui s'installe qui est tu te fais chier, en fait. Parce qu'il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que tu sens que c'est juste quelque chose qui. L'énergie, c'est j'écrase le autre pour faire quelque chose de grand. Et une fois que tu l'as visité, ok, mais tu vas pas monter sur la tour Eiffel 150 000 fois. Je veux dire, c'est après à un moment donné, il y a autre chose à Paris, tu vois, que la tour Eiffel. Et s'il y avait que la tour Eiffel, peut-être ce serait pas la même, tu vois. L'histoire que nous, j'ai l'impression qu'on veut raconter, c'est de dire, non, si l'arbre il pousse, tant mieux. Mais les autres ressources, juste laissez-les dans le jardin pour qu'il y ait autre chose qui pousse, pour qu'il y ait une diversité. Ouais. Et si cet arbre-là, il va pas pousser jusque le plus haut possible, c'est pas grave. Mais il y aura tellement de choses dans ton jardin que non seulement tu vas organiser des repas de dingue avec tous les gens qui vont venir parce que tu vas cuisiner des trucs de ouf avec la diversité que tu as là. En plus, ça va être beau. Et c'est pas juste un objet. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas changer de regard à gauche, à droite, tu vas redécouvrir un coin de ton jardin avec une petite fleur qui vient de naître que tu n'as même pas semée, mais qu'un oiseau est venu poser et que ça crée de la beauté. Voilà. Donc et ça, quand tu arrives dans un jardin comme ça, tu as envie d'y rester, tu te sens bien, tu as envie d'y retourner, tu as envie d'inviter les gens pour devenir, allez, on fait une grande fête ici. Voilà, parce que on s'en fout de la taille de l'arbre, c'est juste le plaisir de voir en fait la beauté du vivant s'exprimer. Et ça, clairement, ce qui va faire la différence, c'est que plus il y aura de ces jardins-là, plus les gens vont aller voir ces jardins et plus ils vont se rendre compte à quel point ils ressentent quelque chose de différent que quand ils vont juste admirer l'arbre du type qui d'ailleurs les fait payer 15 euros pour l'entrée. Mais du coup, tu dis un peu tout ce en quoi je crois et quelque chose de central. À mon sens, avec ton histoire, on se rend compte que les gars qui font pousser leur arbre, ils sont de moins en moins crédibles, tout seuls, comme des glands, là, et épuisés toutes les ressources. On se rend compte qu'on est de moins en moins heureux à aller payer en plus pour regarder l'arbre et qu'il y a tout un tas d'intérêts pour la biodiversité, pour le climat, pour à assumer cette diversité, ce côté foisonnant. Tu as dit un truc qui est central dans ta réponse, tu as dit changer de regard. C'est-à-dire qu'il faut éduquer le regard. Est-ce qu'il y a besoin de l'éduquer? Est-ce que, au contraire, il y a besoin de lui laisser le temps, la disponibilité mentale pour qu'il puisse se permettre de changer de regard? Moi, ce qui me fait beaucoup peur, Ferdinand, c'est qu'en fait, on propose toutes ces alternatives, toutes ces choses magnifiques, mais que d'une certaine manière, malgré toutes les alertes, malgré toutes les alternatives autour de nous, les gens auront tellement été habitués à croire en une seule beauté, à voir une seule chose et à la distinguer comme quelque chose de beau, que en fait, tout ce qu'on aura réussi à faire à côté, ce sera même pas vu. Alors déjà, j'ai l'impression que J'ai l'impression que quand même, tu vois, les gens, on devrait être, devrait y avoir des millions de personnes qui lisent nos livres, en fait, tu vois. Il devrait y avoir des millions de personnes qui vont sur Imago TV. Il devrait y avoir des millions de personnes qui lisent des poèmes de Christian Bobin ou les livres d'Éric De Luca. Il devrait y avoir des millions de personnes qui votent au concours du jardin permaculturel le plus beau, j'en sais rien, tu vois. On devrait être des millions. On n'est que, pour l'instant, des dizaines de milliers, des centaines de milliers et encore pas interconnectés. Ouais, là, tu sais, la difficulté avec, j'ai l'impression, avec Netflix, Echo, et pour moi aussi encore regarder les séries, tout ça, c'est que ils te proposent un rêve qui est tellement improbable, ça arrivera jamais en réalité, mais ils te proposent un rêve qui va loin. Ça veut dire que tu peux regarder un film sur une histoire qui a lieu dans, je sais pas quelle galaxie, dans le truc, bon, tu vois. Et on a la capacité en tant qu'être humain de nous projeter là-dedans et de dire, ah, c'est peut-être vrai, tu vois. Et ça a une valeur émotionnelle qui va être super difficile à contrer, en fait. Tu vois. Là où on peut agir, d'après moi, c'est sur la prise de conscience à quel point tout ce système, notamment les réseaux sociaux, sont basés sur l'addiction. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur partager du contenu de qualité, on est sur comment est-ce que les utilisateurs peuvent rester le plus longtemps dessus parce que ça va gêner, il y a des chances qu'ils vont acheter quelque chose et ça va générer de l'argent pour la boîte. Pour avoir bossé dans le milieu, c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Et de plus en plus. À court terme, ça va marcher. À court terme, tout le monde va y aller dedans et c'est chouette parce que ça nous permet de fuir la réalité. Et ça va nous permettre de fuir notre responsabilité à co-créer la réalité, qui est hyper flippante, qui est hyper parce que c'est pas un jeu là. Pour le coup, si tu c'est la vraie vie. Voilà. Par contre, à long terme, je sens qu'on est en train déjà à se heurter à arriver à un truc où les gens le sentent. C'est-à-dire que c'est génial de pouvoir faire des visioconférences pour X raisons, mais quand on a fait 7 heures par jour pendant une semaine, tu peux pas me dire que tu te sens bien. Parce qu'il y a quelque chose qui nous déconnecte, et ça, on ne sait pas encore trop le dire à quel niveau, mais on sent que ça ne nous fait pas du bien. Et que ça aura des impacts assez conséquents, et d'après moi, il y a de plus en plus de gens quand même qui maintenant sentent que ça ne leur fait pas du bien. Ils n'ont pas forcément encore la solution de qu'est-ce que j'en fais, parce qu'ils sont pris dans le système, les boîtes sont prises dans le système. Mais ce mal-être-là, si nous on peut aider à ce que les personnes donnent sens à ce mal-être, comprennent pourquoi il est là, et leur disent, ben, nous aussi on est passé par là, et voici une piste, ben, il y a de plus en plus de gens qui vont créer des écolieux, qui vont inventer autre chose. Et je le vois, moi je suis le premier dans cette situation, c'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas agriculteurs ou qui ne sont pas, il y en a de plus en plus, et moi j'en connais de plus en plus, qui s'installent. Voilà. Et c'est bien que ça prenne du temps, parce que c'est une aventure humaine, et que le faire rapidement serait reproduire le même schéma. C'est normal que ça prenne du temps, c'est normal qu'on ait l'impression que ça avance pas, mais c'est parce que pour que ce soit solide, il faut que ça prenne du temps. Pour que les racines soient profondes, il faut que ça prenne du temps. Et c'est parce que ça prend du temps qu'actuellement, d'après moi, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est juste notre ego et notre impatience qui a l'habitude que les choses vont vite parce qu'on a été drogué à ça, que tu commandes quelque chose, le lendemain, c'est à la maison. Donc, moi, je dirais plus, faites confiance à cette lenteur. Et par contre, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important, de ne pas rester à la maison, c'est-à-dire de vraiment proactivement sortir. Donc juste avoir conscience que c'est normal si aujourd'hui on ne sait pas quoi faire, on est un peu déprimé, tout ça, parce que le système en profite. Mais j'ai aussi confiance que, par exemple, tu vois nos livres, tu parlais de ça, au bon moment, la bonne personne lira ton livre. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas fait énormément de pub de mon livre, parce que je sais qu'il est intense, je sais que je dis des trucs qui peuvent remuer. et que je préfère que le livre fasse lentement son chemin et que la bonne personne le lise au bon moment, qu'il soit distribué partout et que finalement il termine je sais pas où parce que c'est trop confrontant, ça arrive. Donc, ouais, après, tu sais, on a souvent des échanges. Moi, j'oscille beaucoup entre espoir et désespoir. Hein. C'est pas, je crois que c'est normal actuellement de pas se réveiller tous les jours avec la banane en disant, oh, ce monde, il est trop cool. Ben, moi, c'est pas le cas, tu vois. Et j'ai des jours et des semaines où je lutte contre des émotions très, très, ouais, pas très chouettes à vivre. Parce que ce qui se passe dans le monde n'est pas forcément très chouette à vivre. Hein. Et que, en fait, la difficulté de se reconnecter aux autres, c'est qu'actuellement, si tu le fais et que tu ouvres certains médias ou tout ça, tu te reconnectes à ça. Tu te reconnectes à cette énergie. C'est une violence inouïe. Tu vois. Donc, c'est peut-être un truc que, pour ceux qui nous écoutent, c'est que, en tout cas, que moi, j'essaye vraiment de cultiver. C'est plus vous allez dans cette conscience-là et dans cette volonté d'être avec les autres, de vous ouvrir, plus il faut être vigilant à quelle énergie vous laissez rentrer. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut rentrer dans votre maison. Facebook veut rentrer dans votre maison. Ils veulent tous rentrer sur votre canapé pour vous vendre je ne sais pas quoi. Et ça, il faut en avoir conscience, en fait. Et de se dire, non, consciemment, non, toi, tu ne rentres plus là. Dégage. Toi, je te veux plus. Et si tu as le sourire, et si tu me dis bonjour, je te laisse rentrer. Mais sinon, toi. Et ça, c'est pour moi important parce que ça permet de reprendre un peu son pouvoir. Toi. On n'a pas besoin de dire oui à tout. On n'a pas besoin d'être là en mode, oui, mais nous, on va sauver le monde. Non, déjà, voilà, je remets un peu des limites aussi. Je suis prêt aussi à défendre ce qui est important pour moi, quoi. À chaque fois, ton témoignage est passionnant, Ferdi. Ça fait déjà 40 minutes, imagine, qu'on parle. J'ai l'impression qu'on vient de se connecter. Effectivement, comme tu le dis, on échange assez régulièrement. Et je crois qu'on est un peu pareil par rapport à ça. Dis-moi si je me trompe. J'ai l'impression que justement, quand on est comme ça, sur ces vagues qui font des hauts et des bas, quand on a besoin de se raccrocher à quelque chose, là, on pourrait repartir tête baissée dans l'action pour se mettre dans une bulle de protection, pour par l'activité arrêter de réfléchir. Hein. Parfois on dit c'est ça, tu vois, quand tu as un deuil, tu as quelque chose, il faut tout de suite te remettre au travail, comme ça tu arrêtes de penser. Moi j'ai l'impression qu'au contraire, on ose créer le vide pour le remplir différemment. Et peut-être que, un peu comme moi, je crois que toi, la contemplation, ça te fait pas mal de bien. Hein. Cette contemplation du vivant, cette contemplation des miracles de la nature qui sont juste à côté de nous. Des choses simples comme regarder les mésanges dans les arbres, en fait c'est fou, non? Ouais, je suis d'accord. Mais ce qui est surprenant, c'est que toi, j'ai passé le mois de décembre, pas tout le mois, mais en partie dans une tiny house chez un pote permaculteur. Et en fait, à la fois, ça m'a fait du bien et à la fois, ça m'a pas forcément fait du bien parce que je remarque à quel point j'ai plus la force quand je suis seul de garder une énergie positive par rapport à tout ce que je sais. C'est-à-dire qu'actuellement, je me sens très très fragile et fébrile par rapport à ça, que si je suis que seul dans mon coin, c'est comme si je plongeais. Et qu'au contraire, le fait de sortir, d'aller voir des gens, d'aller voir des projets, d'appeler des amis qui ont une énergie qui va dans ce sens, même si c'est pas forcément, ils vont pas forcément toujours mieux que moi, mais ça me donne vraiment le sentiment que je suis pas seul dans l'histoire et que c'est ensemble qu'on va y arriver. Et ça, c'est très récent, que ça devient de plus en plus important. C'est comme si toute la société veut nous enfermer chez nous en mode ayez peur des autres et que je sens à quel point l'inverse est important, quoi. Pour ne pas porter tout ça tout seul dans son coin. Tu vois. Donc, ouais, tu sais, il y a une question que quelqu'un m'a posée avant ce live en disant, oui, mais moi je suis paumé, comment garder la banane avec tout ce qu'on sait sur l'avenir, quel métier je dois faire. Moi j'ai l'impression que c'est encore très très difficile de vraiment intégrer le changement qu'on risque de voir dans les années à venir. Donc à la fois on peut s'y préparer, mais à la fois lâcher aussi un tout petit peu la grappe en disant on va bien voir en fonction de ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas tout qui dépend des individus, mais aussi des décisions à d'autres niveaux. Mais par contre, il y a une chose que j'ai l'impression qui est sûre, c'est qu'il va falloir réinventer les choses et peut-être créer des métiers là où pour l'instant on ne croit même pas qu'il y en ait. Et c'est super dur. Tu vois, moi, je suis actuellement là-dedans. C'est-à-dire, pour l'instant, j'étais avec Ecosia salarié, d'une certaine façon. Et c'était chouette. Mais maintenant que j'ai l'impression de vouloir faire un pas de plus dans c'est quoi la France, notamment en 2050, j'ai dit, mais merde, il n'y a plus d'emploi, en fait, qui correspond à ça. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire, là, je sens à quel point c'est de créer le métier. Et ça, c'est flippant parce que tu n'es pas du tout dans un cadre sécurisant. Tu vois. Tu te dis, les gens te demandent quel métier tu fais. Ben, je ne sais pas, j'essaie de faire ça, j'essaie de construire ça. Est-ce que vous pouvez avoir besoin de ça? Toi, et là, je vois qu'actuellement, ça se dirige vers plus accompagner la transition dans les territoires. Mais ce n'est pas quelque chose qui était là il y a encore 1 ou 2 ans. Donc, c'est. Et la seule chose que je crois qui peut être chouette par rapport à ces questions-là, et c'est peut-être qu'il y en a qui se les posent, c'est que on va avoir un besoin dingue de co-construire, de co-créer et de réinventer ensemble. Et c'est là que l'humilité a tout son sens, que tu dire qu'il n'y a pas de ré plus la réponse va être unique, plus on va reproduire ce qu'on a fait depuis des années. C'est-à-dire plus il y aura une multitude de réponses et la solution ne sera pas de faire l'un et de faire tout ça. Mieux, plus on va être, d'après moi, sur un chemin qui a l'air de bien marcher. Et pour ça, on a besoin des avis de tout le monde. On a besoin que les gens osent partager leurs idées, sortir de l'ombre un petit peu, crier haut et fort. C'est ça que j'ai envie de voir dans ma commune. Et ça, cette idée-là, qu'il y a un déclic chez tous ceux qui osent peut-être pas encore de se dire, allez, merde. Au point où on en est, maintenant j'organise une réunion dans mon village pour parler du climat. Et on va bien voir. Tu vois? Et quand on arrive à ce point de presque où on sent maintenant, j'ai plus d'autre choix, il faut que j'y aille, c'est quelque chose qui peut être très très enthousiasmant. C'est flippant, parce que du coup, c'est quand même émotionnellement assez fort. Mais je crois que ça va créer beaucoup de choses. Tu vois? Et, en tout cas, j'espère. Voilà. J'encourage tout le monde à le faire. J'ai une dernière question pour toi, Ferdi, toi qui es coach aussi et qui est assez bien tendre des perches pour donner voilà, des pistes aux gens pour se mettre en mouvement, continuer avec cette dynamique-là sur tout ce qu'on a évoqué ensemble, cette nécessité des nouveaux imaginaires, de la co-construction, de se projeter dans ces futurs désirables dont on a du mal à concevoir tout un tas de choses, hein, notamment les métiers. Et ce que tu dis me parle tout particulièrement. Parce qu'avec le podcast 2030 Glorieuses, je mets souvent en avant des gens qui font des métiers complètement différents et eux-mêmes s'enferment encore, tu vois, dans les postes que la société propose en général de cofondateurs, de cofondatrices, etc., etc. Et plus je creuse sur, mais attends, vraiment, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Et plus je me rends compte que bah, j'essaie de lever le voile sur quelque chose parfois auquel ils n'ont même pas, tu vois, même pas réfléchi. Toi là, qu'est-ce que tu as envie de suggérer aux personnes qui nous écoutent pour continuer à aller dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des exercices, des défis, des missions, des pistes qui peuvent continuer à attirer pour voilà, explorer ces nouveaux imaginaires et le pouvoir de ces récits? Alors, je dirais que ça dépend vraiment de chacun en Bien fonction de sûr. là il est. Donc, je vais donner une réponse qui d'après moi, marche pour tout le monde. Même si on l'a déjà fait, c'est toujours intéressant de le faire. C'est beaucoup de personnes que j'accompagne en coaching me parlent de choses qu'ils veulent, de leurs rêves, de leurs projets, mais ont jamais pris le temps de le mettre sur papier. C'est-à-dire, c'est comme si le simple fait de commencer à le réaliser était tellement effrayant parce que c'est rassurant quand on tant qu'on se dans la tête. On peut changer tout, on peut se dire peut-être je fais quelque chose d'autre, mais dès que tu le mets sur papier et que tu commences à. Voilà, il y a comme une forme d'engagement et de pression qui monte un tout petit peu. Et donc, moi j'ai envie de dire ça, c'est presque prenez une feuille de papier et écrivez votre rêve, écrivez l'histoire que vous voulez vivre et à quoi ça pourrait ressembler. concrètement, avec qui vous auriez envie de travailler, dans quel cadre vous auriez envie de travailler. Et vraiment, au-delà de tous les livres qui sont des exemples peut-être à suivre, essayez d'écrire votre histoire. Voilà. Et de se dire, c'est comme si moi je devais être Julien Vidal à sortir mon prochain livre, c'est quoi, qu'est-ce que j'aurais envie d'écrire? Et une fois que vous avez fait ça, de le faire un petit peu comme une forme de présentation, c'est-à-dire de se dire, ok, maintenant je vais en parler autour de moi et je vais montrer, voilà ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que tu en penses, tu vois? J'ai l'impression que vraiment se prendre au sérieux dans les envies, dans les rêves qu'on a, c'est vraiment le départ. Et mettre des mots et vraiment choisir les bons mots pour décrire qu'est-ce qu'on veut, si on le fait vraiment, c'est pas si facile que ça. Tu vois? Parce que les mots ont de l'importance, ils ont une forme d'énergie et en même temps, ça peut faire toute la différence. Voilà. Et après, c'est vraiment une fois qu'on a ça, d'aller. Ça, c'est la deuxième étape que je vraiment faites-le si vous pouvez. C'est tout simplement oser rentrer en contact avec des gens qui font des projets qui ressemblent à ce que vous aimeriez vivre. Et vous leur écrivez, vous allez les voir à l'autre bout de la France, vous prenez votre vélo, vous faites ce que vous voulez, vous les contactez sur les réseaux sociaux, vous leur dites, est-ce que tu aurais une demi-heure? Voilà mon projet, je viens de le rédiger, j'aimerais beaucoup échanger avec toi là-dessus pour avoir ton avis. Voilà. Et comme ça, vous allez commencer à co-créer et surtout aussi à vous mettre en réseau avec des personnes qui pourraient peut-être être des personnes ressources ou voire qui pourraient à un moment donné vous embaucher sur un truc. Et le seul truc, et je terminerai là-dessus, c'est de ne pas rester figé sur votre projet. C'est-à-dire de dire, si jamais vous avez rencontré une dizaine de personnes et la 11e personne vous dit, j'adore ce que tu fais, viens travailler avec moi pendant un an, je te paye pour faire ça. Et si tu veux toujours faire ton projet, tu le feras. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un. Est-ce que tu es partant? Bah, oser dire, ok, j'y vais. C'est-à-dire oser dire oui aux opportunités qui s'ouvrent à vous. Parce que c'est le plus important, c'est l'expérience qu'on va co-construire ensemble. Et encore une fois, c'est pas de démontrer que votre arbre va être le plus beau et le plus grand. Voilà. Merci Ferdi. Ben, merci à toi, avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!